Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et le Super Fail de la semaine se penche sur une catastrophe aérienne, le crash du vol 610 de Lion Air, une compagnie aérienne indonésienne. Cela s'est déroulé le 29 octobre 2018, un Boeing 737 avec 189 personnes à bord, aucun survivant. Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crient quand siffle le nickel au ciel? Ces drôles n'ont plus de densité. Ces drôles n'ont plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, boïc, boïc. Est-ce la faute de tes passagers un déjà? Si tu penses. Bertrand Villemer, vous êtes ingénieur aéronautique et spatial, pilote de chasse, pilote de ligne, PDG d'ICAR, un cabinet d'expertise aéronautique et spatiale, et vous êtes expert auprès des tribunaux. Il faut nous raconter tout d'abord ce qui est arrivé à ce vol de Lion Air sur un Boeing 737. Oui, alors c'est un Boeing 737 qui, 13 minutes après le décollage, alors que le commandant de bord a demandé à revenir sur son aéroport de départ, a soudainement piqué du nez et s'est abîmé en faisant la totalité des victimes puisqu'il n'y a aucun survivant. Alors la descente a été extrêmement brutale, les deux boîtes noires ont été retrouvées. C'est avec une boîte noire qui enregistre les paramètres et une boîte noire qui enregistre les bruits, dont les voix, bien sûr. Les voix dans le cockpit, mais aussi les voix entre le sol et le vol, et éventuellement les bruits éventuels qu'on peut trouver dans l'avion. Donc ces deux boîtes noires ont été retrouvées quasiment immédiatement. Et on a pu, grâce à ces boîtes noires, avoir un tracé assez précis des éléments techniques qui se sont passés lors de ces 13 minutes. Qu'est-ce que cette compagnie Lion Air, c'est une compagnie qui n'est pas très connue en France, une compagnie indonésienne. Il faut dire d'ailleurs que les médias français sont peu intéressés à cette catastrophe alors qu'elle est passionnante, tandis que les médias anglo-saxons, eux, s'y sont véritablement intéressés. Lion Air est-elle une compagnie réputée peu sûre? Alors, Lion Air a été inscrit sur les listes noires de l'Organisation d'Aviation Civile Internationale de 2013 à 2016. Elle a eu 5 accidents entre 2003 et aujourd'hui. C'est une compagnie low cost et qui est équipée d'appareils de 737, notamment 800 et 737 MAX, qui sont des avions récents. Alors pourquoi inscrire une compagnie qui a des appareils récents sur une liste noire de compagnies, Bertrand Villemer? Parce qu'il y a eu un certain nombre d'incidents récents dans les 10 dernières années. Je vous dis, il y en a eu 5 dans les 13 dernières années. Et parmi ces accidents, il a été montré qu'un certain nombre de prérequis sur la formation des personnels, sur l'entretien des matériels, n'étaient pas respectés. Et donc, l'Organisation d'Aviation Civile Internationale, par l'intermédiaire de ses enquêteurs, entre guillemets, a décidé de mettre cette compagnie sur les listes noires pour lui suggérer d'être un petit peu plus rigoureuse sur le respect des procédures. Il y a un accident qui a eu lieu un petit peu avant sur un appareil, un 737-800 aussi, le 13 avril 2013. Et cet accident, il a été avéré, il a été prouvé par l'enquête que les pilotes ont décidé d'aller un petit peu trop bas alors que la météo était mauvaise. Il y a une hauteur minimum au-delà de laquelle ils n'ont pas le droit d'aller. Ils ont été plus bas que cette hauteur et ils se sont abîmés en mer. Et dans le cas donc de ce crash du vol Lion Air 610, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous nous avez expliqué que l'avion, 13 minutes après son décollage, était parti en piqué. Lorsque les boîtes noires ont été décodées, si je puis dire, ont été exploitées, on s'est rendu compte que l'appareil avait piqué du nez 24 fois en 13 minutes. et que l'ensemble et l'équipage avaient essayé toutes les procédures possibles, Dixit, le rapport d'enquête, pour éviter que le nez pique, bien sûr, parce qu'ils étaient en basse altitude, et puis c'est pas une situation d'avenir que d'avoir un appareil en piqué. Qu'est-ce que ça veut dire 24 fois? Ça veut dire que 24 fois il est parti en piqué, 20 et 23 fois ils ont réussi à le redresser. Exactement. Alors, évidemment, tout ça, ça interroge. Alors, la première conséquence, c'est que le directeur technique a été renvoyé. Ça a été assez rapide. Et les mécaniciens qui sont en charge de remettre l'avion en service, qui approuvent la remise en service, on appelle ça une APRS, approbation pour la remise en service, ces mécaniciens sont agréés, bien sûr, ont suivi une formation qui est particulièrement codée au niveau mondial, et ils ont un agrément pour pouvoir remettre l'avion en service. C'est-à-dire, quand il y a une panne, ils analysent la panne, ils réparent, et ils signent un papier en disant, voilà, l'appareil peut redécoller. Mais alors, attendez, Bertrand Villemer, parce que pour qu'on comprenne bien, cet avion, il est parti 24 fois en piqué dans toute sa vie, pas lors Non, dans les 13 minutes. C'est ce que dit le rapport d'enquête. Et donc, alors il peut partir en piqué de quelques degrés. On ne parle pas de 80 degrés de piqué. Mais ça, on n'a pas les, on n'a pas le détail. Mais c'est ce que dit le décodage de la boîte noire. Alors, à partir de là, bien sûr, il y a un certain nombre d'investigations qui ont été lancées, et on s'est rendu compte que, lors des trois vols précédents, il y avait eu exactement la même chose. Alors, peut-être pas 24 fois, là, le rapport ne le précise pas, mais lors des trois vols précédents, le commandant de bord avait précisé, dans son compte-rendu de vol, qu'il doit signer lorsqu'il se pose, son compte-rendu technique, qu'il avait eu un certain nombre de dysfonctionnements et de pannes majeures sur son appareil, et lors des trois vols précédents, cette panne avait été notée, et donc, elle était susceptible d'avoir été réparée. Et donc, elle n'a pas été réparée, puisque c'est hélas la cause de la catastrophe. La cause du crash. Ouais. Ouais. Et alors, cette cause, elle vient de quoi? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un avion parte en piqué? Alors, c'est une longue histoire. Alors, encore une fois, moi je me fie à... mes sources sont le rapport d'enquête et un certain nombre d'investigations de Boeing et du New York Times. Voilà, je cite mes sources. Et donc, le problème vient de loin. Le Boeing 737 est un avion qui a fait son premier vol en 1968. Donc, il a 51 ans. Et bien sûr, il a évolué tout le long de sa vie. Il a évolué notamment avec les commandes de vol, avec les moteurs, avec un petit peu la cellule. Donc, il a évolué de façon continue. Et lorsqu'un avion évolue, soit il évolue beaucoup et on demande aux compagnies de refaire ce qu'on appelle un delta training, c'est-à-dire un supplément de formation sur l'appareil, en disant, écoutez, votre appareil, les pilotes, ils le connaissent, mais le nouvel appareil qui sort depuis 2 ans ou depuis 1 an, il est vraiment très différent, ou suffisamment différent pour que vous imposiez à vos pilotes de faire un complément de formation. Évidemment, pour les compagnies, ça a un coût. Ça, c'est la première chose. Et donc, la structure qui décide s'il faut ou pas faire un complément de formation, c'est l'Agence fédérale de l'Aéronautique américaine, la FAA, qui dit, oui, l'avion est suffisamment différent, il faut faire une formation. Il faut faire un supplément de formation. Or, l'intérêt de Boeing, dans la compétition avec le 320neo, parce que c'est la compétition entre les deux avions les plus vendus au monde, je rappelle qu'il y a des milliers de commandes d'avions en cours, hein, 7400 avions en carnet de commandes pour Airbus, à peu près l'équivalent pour Boeing, plus de 1200 milliards de dollars de carnet de commandes pour l'un et l'autre, donc la compétition est acharnée sur ces deux avions, les best-sellers, qui sont le 738 Max versus le 320neo. Donc la compétition fait rage, et si... un constructeur met en ligne un appareil en disant oui, il est tout neuf, mais les compagnies doivent payer un supplément de formation, donc les pilotes, pendant qu'ils font ça, ils sont pas en train d'exploiter l'appareil, et donc c'est un coût. Et donc l'intérêt de la compagnie, c'est de ne pas avoir ce delta training. Et donc il y a eu une démonstration qui a été faite auprès des autorités américaines en disant mais non, cet appareil, il est comme l'ancien. Bougez pas, circulez, rien à voir, il y a besoin de delta training. L'agence européenne n'a pas eu cette attitude. L'agence européenne, l'EASA, l'agence européenne de sécurité aérienne, a dit, mais si, il y a une modification majeure sur les commandes de vol, donc on demande un delta training. Et puis il y a eu discussion entre les deux agences, et finalement l'agence européenne s'est alignée sur l'agence américaine. Idem pour l'agence brésilienne. qui a dit mais non, il y a une vraie modification de ce nouvel appareil. C'est un 737 MAX 8, il est tout à fait différent du 737 précédent. Les pilotes doivent avoir un supplément de formation. En quoi consiste cette modification majeure ? Alors elle est compliquée. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir gagner en consommation, les moteurs ont changé et les moteurs se sont agrandis. Le diamètre des moteurs est plus important, enfin ils sont plus gros, ils sont plus lourds. Donc il est positionné sur l'aile de façon différente. Et étant positionné sur l'aile de façon différente, ça change complètement les qualités de vol de l'appareil. Donc il a tendance, et ça c'est les comptes rendus de Boeing, le nouveau Boeing 737 en question, avait tendance, et a toujours tendance d'ailleurs, à basse vitesse à piquer. Soit à piquer, soit en virage, à engager les virages. Bref, il est instable en basse vitesse. Et donc, les basse vitesse, c'est quelle vitesse ? Basse vitesse, c'est une fois et demie la vitesse de décrochage. Voilà. Et une vitesse donc, de décrochage, c'est Cet appareil-là, c'est entre 140 et 160 nœuds. Enfin, allez, ça dépend de plein de paramètres, mais disons, on va dire c'est 220 km/h. Le décrochage, c'est l'avion qui tombe comme une pierre. Le décrochage, c'est l'avion qui tombe. Parce qu'il n'a pas assez de vitesse pour pouvoir voler. C'est la vitesse qui fait que c'est le vent relatif sur l'aile qui fait que l'avion se sustente. Si vous soufflez sur une feuille de papier, en la prenant la tranche face à vous, si vous soufflez suffisamment fort, la feuille de papier elle va se mettre toute droite. Donc elle vole. Si vous soufflez pas assez fort, la feuille de papier elle tombe ou elle se plie. C'est exactement pareil par un avion. Si l'avion il vole pas assez vite, il n'y a pas assez de vent relatif sur les ailes, et les ailes n'arrivent pas à porter l'avion, et l'avion pique. Normalement, il pique du nez, c'est-à-dire qu'il pique vers l'avant. En piquant vers l'avant, il reprend de la vitesse. Reprenant de la vitesse, il reprend de l'efficacité sur les ailes et sur les gouvernes, et il vole. Youpi, ça marche. Sauf que là, sur cet appareil, l'évolution fait, on a bien compris, le positionnement des moteurs, la taille des moteurs, a modifié complètement les qualités de vol à basse vitesse, et c'est justement à basse vitesse que l'avion est le plus vulnérable. Quand il est en ligne, il n'est pas vulnérable. Les accidents, c'est très souvent à l'atterrissage ou au décollage, pour des problèmes de turbulence, pour des problèmes de météo, etc. Et donc, pour pouvoir améliorer cette tendance à piquer, ils ont modifié le programme de vol électrique, pour parler très simple. Donc, ils ont mis en place quelque chose qui s'appelle le MCAS, en anglais, je vous passe les détails. Et ce système permet de modifier le programme de vol de façon à corriger, sans que le pilote s'en rende compte, les gouvernes de profondeur, avec une logique de fonctionnement qui est un petit peu compliquée à décrire ici, mais qui fait qu'il prend le pas sur les actions du pilote. D'accord, c'est le pilote automatique qui prend la main. Voilà, enfin, c'est les commandes de vol électriques et ils ont modifié le programme, pour parler simple. Mais ils l'ont modifié en mettant une couche supplémentaire. Et c'est là que, alors c'est une opinion personnelle, c'est là que les choses deviennent la plus compliquées, c'est que quand le système il est pur, il a été designé pour être pur. Et étant designé pour être pur, il y a des études de sauvegarde. Avec, si je peux me permettre, la loi de Murphy. La loi de Murphy, vous savez ce que c'est. Enfin, en aéronautique, on la connaît un peu, mais on la connaît aussi ailleurs. C'est tout ce qui est susceptible d'arriver, arrive un jour. La loi de la tartine beurrée qui tombe toujours du mauvais côté. Non, c'est pire que ça. Ça veut dire que c'est si une panne est possible... Elle va arriver. Elle va arriver un jour. Donc, je donne un exemple à ce sujet-là qui est assez parlant. Je crois que c'était en 2016. Mon passé spatial me faisait à l'époque aller assez souvent à Baïkonour, au Kazakhstan. Et il y a un lanceur russe, Proton, qui a décollé, qui a fait demi-tour et qui s'est crashé. Et la commission d'enquête russe a publié les résultats. Et c'était un capteur qui avait été monté à l'envers. Et ce capteur ne pouvait pas être monté à l'envers parce qu'il y avait un détrompeur. Comme si vous voulez faire entrer une clé USB dans la prise de courant. Eh bien, les techniciens russes avaient forcé le détrompeur, avaient cassé le détrompeur et avaient réussi à mettre le branchement à l'envers. Bravo. Et ils l'ont trouvé. Donc, vous voyez, la loi de Murphy, c'est ça. Alors, comment faire pour éviter ça? Eh bien, la conception... Là, c'est même pas la loi de Murphy, parce que vous avez le détrompeur, normalement. Oui, il est cassable. Le détrompeur, on peut le casser. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire un système tel que vous faites une prise ronde et puis une prise femelle carrée, j'en sais rien. C'est impossible que ça rentre, même en cassant tout. Voilà, c'est sur la loi de Murphy. Alors ce qui s'est passé là, avec la conception même du système, c'est qu'ils ont rajouté une couche à quelque chose qui au départ était conçu pour être safe, pour être sûr. Bon. Et là ils ont rajouté une couche et il y a tout un tas de certifications qu'ils n'ont pas faites. Et il y a une certification qu'ils n'ont pas faite. Et là, à mon avis, c'est grave. Enfin, si les articles que j'ai lus, bien sûr, sont avérés par l'enquête finale, parce que je pense que ça ne va pas en rester là, il y a tout un tas de certifications qui n'ont pas été faites. Quand on crée un système comme ça, il faut faire ce qu'on appelle une analyse de panne. C'est-à-dire qu'il faut imaginer toutes les pannes possibles. Notamment, la panne du système en question. Quand vous rajoutez une strate, c'est comme si sur votre ordinateur, je vous rajoute un petit morceau de logiciel, mais qui n'est pas prévu au départ. Alors, il va bien, il ne va pas bien, on ne sait pas. De manière générale, ça marche. Mais s'il y a une petite panne à côté, vous ne savez pas comment va réagir cette surcouche. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une panne de ce système. Et en fait, ce système, il ne s'alimente qu'avec une seule source d'incidence. L'incidence, c'est un système qui vous donne l'angle d'attaque de l'air sur les ailes, pour parler simple. Et normalement, il y en a deux ou trois. Comme ça, vous avez trois mesures, et vous êtes sûr que vous en avez au moins une de bonne, avec des systèmes qui les comparent. Et donc là, il n'y avait qu'un seul sonde, qu'un seul indicateur qui arrivait sur le système. Et cette sonde est tombée en panne. Cette sonde étant en panne, la surcouche de logiciels qu'ils ont mis dans les commandes de vol, elle ne savait pas quoi faire, puisqu'elle avait un indicateur qui utilisait n'importe quoi. Donc elle a commencé à piquer. Et donc ça, cette analyse de panne n'a pas été faite. Et ça, c'est embêtant. C'est même plus qu'embêtant. C'est une faute professionnelle au niveau de Boeing. Parce que là, on ne se situe pas du tout au niveau de la compagnie. Pas du tout. Alors que sur les autres accidents de Lion Air, les personnels étaient complètement impliqués. Alors là, pour le coup, ils ne sont pour rien. Sauf que Boeing dit, oui, mais les trois précédents vols où ils ont eu ça, les pilotes s'en sont sortis. Certes, mais la panne n'était probablement peut-être pas comparable, d'une part. Et d'autre part, la panne avait été réparée. Deux questions, Bertrand Widmer. Alors tout d'abord, première question, vous êtes en train de nous expliquer que les modifications de l'appareil expliquent que le système de pilotage de l'avion était défectueux, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il parte en piqué. Pourquoi, effectivement, lors des vols précédents, le pilote a-t-il réussi à rattraper l'appareil? Alors, selon Boeing, dans les vols précédents, les pilotes sont passés en mode manuel. C'est-à-dire qu'ils ont coupé un certain nombre de modes automatiques, ils sont passés en mode manuel et ils sont arrivés à reprendre les commandes. Mais, même en passant en mode manuel, le système qu'ils ont rajouté sur les commandes de vol n'agisse pas sur les trims, agisse directement sur les gouvernes. Et là, même en utilisant le trim avec un certain type de centrage... Le trim, c'est un système qui vous permet de compenser l'avion avec des toutes petites gouvernes. Les toutes petites gouvernes, elles font bouger les grosses. Et tout ça, c'est en harmonie, c'est en équilibre statique, même dynamique, c'est merveilleux. Or, le MCAS, lui, il intervient directement sur la gouverne de profondeur. Et donc, les pilotes, en passant en manuel et en essayant de compenser à la main avec des grands volants qui, après des genoux, des grands volants qui font 20 cm de diamètre, qui sont crantés, ils n'ont pas eu la force de le faire. Ah oui, à ce point-là. Parce qu'il n'y a pas d'assistance électrique. Non, là, ils sont en manuel complet. Ils sont directement sur le trim, mais ça ne suffisait pas. En tout cas, c'est ce que dit la boîte noire. Et ce qui veut dire que sur un matériel récent, puisque là on parle d'avions qui sont neufs, il y avait quelques mois, y a une possibilité de rattraper manuellement, c'est-à-dire comme si on était sur un avion à câble. Si vous voulez, il y a toujours. Quand vous dites des roues manuelles crantées. Il y a toujours. Un avion ne peut pas tomber en panne sur une simple panne, si je puis dire. Une simple panne ne peut pas être catastrophique. L'avion, il est fait pour ça. Si vous perdez un moteur, il y a le deuxième. Si vous perdez un circuit hydraulique, il y a le deuxième. Si vous perdez un circuit anémobarométrique, il y a le deuxième, etc. Une simple panne ne suffit pas. Or là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une simple panne. Vous êtes quand même en train de me dire, exactement, vous êtes en train de me dire qu'il y a une panne simple, une sonde qui se met à dysfonctionner. Une sonde d'incidence. Qu'une sonde d'incidence tombe en panne, ça arrive extrêmement souvent. Il y a tout un tas d'avions, d'ailleurs, qui n'ont pas de sonde d'incidence. Bon. Et là, il se trouve que cette sonde d'incidence a tombé en panne. Il n'y en avait qu'une. Elle a donné un ordre erroné au logiciel. Et ce logiciel, il a réagi d'une certaine façon, mais on ne savait pas comment, puisque ça n'avait pas été essayé, ça. Et c'est le souci, il est là. Alors, deuxième question, évidemment, Bertrand Widmer. Le Boeing 737, comme vous l'avez dit, est un avion plus que courant. Qu'est-ce qui peut nous assurer que, je ne sais pas moi, Daphné Abgral ou bien David Jakubowiez, qui sont en régie, voire même Alex Dang, ne se retrouvent pas dans un Boeing 737 qui est doté de cette fâcheuse manie de piquer? Alors, il y a des autorités qui surveillent tout ça, La réglementation aérienne internationale est drastique et elle n'a qu'un seul objectif, c'est la sécurité des vols, donc la sécurité des passagers. Et l'agence fédérale américaine est en discussion avec Boeing pour voir quelles suites vont être données à cette enquête. Et si l'agence fédérale américaine se rend compte que Boeing n'apporte pas les bonnes réponses techniques, alors il peut, cette agence peut, clouer tous les 737 de ce type au sol. Mais alors, attendez, parce que notre problème, c'est que cette catastrophe aérienne, elle est intervenue le 29 octobre 2018. Dernier. Ouais. Donc, entre-temps, il y a des 737 qui volent. Donc, c'est bien gentil que cette agence se penche sérieusement sur cette question. Mais qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Eh ben, entre-temps, l'agence Boeing se défend en disant « Mais non, il y a une procédure de secours qui a mal été appliquée par l'équipage. » Et cette procédure de secours, selon vous, Bertrand Villemer, est-ce qu'elle était, comment dirais-je ? Là, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre avec les éléments que j'ai pour savoir si la procédure de secours a été appliquée, bien appliquée ou pas. Ce que je peux dire, c'est que... Elle consiste en quoi, cette procédure de secours ? Cette procédure de secours, elle consiste à isoler un certain nombre de circuits qui ne sont pas si faciles que ça à identifier, et puis à utiliser un certain type de mode manuel. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et on peut faire ça quand on est Basse altitude. Il faut être formé. Oui, non, ça revient. Il ne faut pas me donner à faire non, ça. Non, mais... non, mais ça revient avec ce que je disais il y a quelques minutes. Les pilotes n'ont pas eu reçu de Delta Training. Alors, même si Boeing a raison en disant oui, les équipages étaient mauvais, ils n'ont pas appliqué la procédure. Si vous appliquez la procédure du constructeur qui est écrite dans les manuels de vol, alors sur cette panne, il n'y a pas de souci. Même si Boeing a raison, ce qui tente à être, il faut quand même le démontrer, alors le Delta Training, c'est-à-dire la formation qui est nécessaire pour apprendre ce système, n'a pas été faite. Parce que Boeing a dit, circuler, il n'y a rien à voir, cet appareil, c'est comme les appareils précédents, vous volez dessus, ça fera pareil. Et on revient avec ce que je vous disais il y a quelques minutes, les compagnies ne souhaitent pas, quand elles achètent un avion qui a une évolution de l'avion précédent, avoir reformé tous leurs pilotes, même si c'est quelques heures. Dernière question, Bertrand Villemer, avez-vous eu vent d'autres catastrophes ou d'autres risques ou d'autres problèmes étant intervenus sur des 737 ? Je parle évidemment du même risque, celui qui est impliqué pour le crash de l'avion de Lion Air. Alors, j'en ai pas eu à mon niveau, pas à ma connaissance. Cela étant, c'est un appareil qui est très récent et même s'il en sort 60-70 par mois des chaînes de Boeing, il y en a pas des milliers. Le 737 MAX 8, il y en a assez peu. Et cet avion-là avait eu déjà trois fois cette panne dans sa vie, qui a quelques mois. Il est sorti depuis quelques mois. Donc il y a un précédent sur cet avion-là. Et alors c'est d'autant plus particulier que quand un avion a tendance à avoir ce type de panne, s'il a une deuxième fois la même panne, une troisième fois la même panne, il faut se poser la question de la façon dont on a réparé la panne quand même. C'est pour ça que quand je dis tout à l'heure que les mécaniciens qui avaient en charge la remise en service de l'appareil, qui se sont fait limoger tout de suite, il y a quand même une raison. Merci beaucoup Bertrand Villemer. Je rappelle que vous êtes ingénieur aéronautique et spatial et pilote de chasse et pilote de ligne. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Alex Dang à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.